الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, inshallah, pour ce cours, comme j'ai qu'un seul cours dans le week-end, on va faire quelque chose de simple, inshallah ta'ala, et qui n'est pas très long. On va prendre quelques noms d'Allah Azzawajal et leurs explications, et quelque chose que le Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr a écrit autour de ces noms dans son livre Fiqhul Asma Al-Husna. Donc on va prendre certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et lire ce que le Cheikh a écrit comme explication autour de ces noms d'Allah Azzawajal. On va commencer par le nom qu'il a mis sous le numéro 68. Donc premièrement, on se rappelle que les noms d'Allah Azzawajal, comme Allah l'a dit dans le Coran, وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. À Allah sont les noms les plus beaux ou les meilleurs. Et les noms d'Allah ont été qualifiés de husna, c'est comme ahsan mais au féminin, c'est-à-dire les meilleurs noms, pour les significations qu'ils comportent. Donc ce ne sont pas des noms dénués de sens. Ce sont des noms qui ont une signification et qui ont les plus belles des significations. C'est pour ça qu'elles s'appellent, ou qu'ils s'appellent plutôt Al-Asma Al-Husna, pour la signification qu'ils comportent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on le connaît en premier lieu, par ses noms, par la connaissance de ses noms. Allah, Al-Rabb, Al-Ilah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Et on voit que le Coran, une grande partie du Coran est consacrée au nom d'Allah, puisqu'Allah mentionne ses noms, que ce soit au début de certaines sourates, ou alors à la fin des versets. Et parfois, il nous informe de quelque chose, et il nous dit des noms, parmi ces noms, qui ont une relation avec ce dont il vient de nous informer. Donc c'est un des premiers points par lesquels on connaît Allah Azza wa Jal, c'est l'asma, ce sont ses noms. Une deuxième chose par laquelle on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'sifat, ses attributs ou alors ses qualités. Par exemple, l'istiwa, le fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, et autres parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on connaît aussi Allah par ses actes. On pourrait dire que ses actes sont inclus dans... En fait, c'est à qui ça? C'est à toi? Bon, pour cette fois. Parce que comme il y a l'enregistrement... Malch. Donc on connaît aussi Allah par ses actes. Donc par al-af'al, af'alullah, allati taduru bayna al-'adli wal-ihsan. Les actes d'Allah qui ne tournent qu'entre eux, la justice et l'ihsan, la bienfaisance. Donc celui qui médite sur les noms d'Allah, sur ses qualités et sur ses actes, qu'on pourrait aussi désigner par sunnatullah, l'habitude entre guillemets, la sunna d'Allah, c'est-à-dire la façon dont il traite ses créatures, eh bien, il connaîtra de plus en plus son créateur, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que ces trois choses-là, les actes d'Allah, ses attributs et ses noms, ils prennent une grande partie du Coran. Donc on va commencer par le nom qu'il a mis au numéro 68, qui est Al-Muhsin, qu'on peut traduire par le bienfaisant. Donc on va lire ce que le Shir dit tout simplement. وَلَمْ يَرِدْ هَذَا الْإِسْمُ فِي الْقُرْآنِ إِسْمًا وَإِنَّمَا وَرَدَ فِعْلًا كما في قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وقوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وقوله تعالى قد أحسن الله له رزقا وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc ce nom d'Allah qui est Al-Muhsin n'est pas cité en tant que tel dans le Coran, mais Al-Ihsan a été cité dans le Coran en tant qu'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bienfaisance, donc al-ihsan qui peut vouloir dire la bienfaisance, ou qui peut vouloir dire l'excellence, dans le sens de bien faire une chose. Donc le nom d'Allah, al-muhsin, n'apparaît pas dans le Coran, mais l'acte qui est dérivé du nom al-muhsin, qui est le fait de faire la bienfaisance, ou le fait de bien faire une chose, ça c'est cité dans le Coran, comme le verset, donc je lis les traductions des versets qu'il a cités, « wa ahsin » Kama ahsan Allahu ilayk. Fais le bien comme Allah a été bienfaisant envers toi. Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Donc la parole de Yusuf, quand il a dit Allah a été bienfaisant, ahsanabi, envers moi lorsqu'il m'a sorti de la prison. Qad ahsan Allahu lahu rizqa. Dans un autre contexte, dans la sourate Talaq, Allah dit Qad ahsan Allahu lahu rizqa. Allah lui a donné une bonne subsistance. Ou alors le verset qui dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Celui qui a bien fait, qui a perfectionné ahsana, toute chose qu'il a créée. Ahsana, ici, c'est dans le sens de bien faire la chose. Donc, celui qui a perfectionné ou qui a bien fait tout ce qu'il a créé. وجاءت السنة بإثبات هذا الاسم لله عز وجل في ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et trois hadiths attestent ce nom dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين رواه الطبراني وأبو نعيم. Donc ce premier hadith qui est authentifié par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah et qui est dans le Mu'jam de Al-Tabarani et aussi rapporté par Abu Nu'aym, dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous jugez, soyez équitable, et lorsque vous tuez, c'est-à-dire par exemple une bête, alors ahsinu, c'est-à-dire faites le bien. Donc là ahsana, c'est dans le sens de bien faire la chose, bien faire le travail, bien faire la tâche qu'on est en train d'effectuer. فإن الله محسن يحب المحسنين car Allah est محسن et aime المحسنين. Donc dans le fait de tuer la bête, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé l'ihsan, qui est le fait de bien la tuer et aussi de la tuer d'une façon dans laquelle il y a la bienfaisance envers cette bête. Donc ça englobe les deux sens, le fait de bien le faire et bien le faire ça implique pardon, de bien traiter la bête et de le faire de la façon où elle souffrira le moins possible. Et à la fin, il a dit Fa inna Allah muhsinun yuhibbu al-muhsinin. Car Allah est muhsin, il aime al-muhsinin. Donc on pourrait traduire par Allah est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Al-Thani, hadith Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu, قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحده شفرته وليرح ذبيحته رواه عبد الرزاق وغيره. Le deuxième hadith qui est rapporté par Abd al-Razzaq al-San'ani dans le Musannaf, c'est le hadith de Shaddad ibn Aws, dans lequel il a dit j'ai retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux paroles, et il a dit, donc ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est muhsin, donc Allah est bienfaisant et il aime la bienfaisance envers toute chose. Donc lorsque vous tuez, alors faites le bien. Et lorsque vous égorgez, alors faites le bien. Et que l'un d'entre vous aiguise son couteau et qu'il donne du repos à sa dhabiha, c'est-à-dire à la bête qu'il va égorger. Donc là on voit l'ihsan dans un acte qui en apparence est le pire des actes, qui est de tuer. Tuer, c'est le contraire de l'ihsan. Mais comme l'homme a besoin de tuer pour manger, de tuer des animaux pour manger, eh bien, comme il doit le faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé l'ihsan jusque dans ce point-là, en faisant les points qui ont été cités ici. Le fait de bien aiguiser son couteau, de sorte que l'égorgement se fasse le plus facilement possible et que la bête n'ait pas à souffrir longtemps. Et aussi, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, et qu'il donne du repos à la bête qu'il va égorger. Comme on le sait, comme le montrent d'autres hadiths, par exemple, en n'égorgeant pas une autre bête devant elle, etc., etc. En n'aiguisant pas le couteau devant elle non plus. Donc ici, il a bien cité Al-Muhsin comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thalith, hadith Samurat ibn Jundubin radiallahu anhu, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إن الله عز وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته رواه ابن عدي. Donc, le troisième hadith, il est semblable au hadith qu'on vient de citer, si ce n'est qu'il n'est pas rapporté par le même compagnon et il n'est pas rapporté dans les mêmes livres. Il n'est pas rapporté ici par Ibn Adi. هذه الروايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. Donc toutes ces transmissions remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que et atteste pardon de ce nom pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Muhsin. وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم وكثير التعبيد لله سبحانه وكثر التعبيد pardon لله به. Il dit, ce nom a été beaucoup cité dans la parole des savants et il est beaucoup employé en tant que prénom, c'est-à-dire en disant Abdul Muhsin, At-Ta'bid bihi, c'est-à-dire les musulmans n'ont cessé de l'employer pour appeler leurs enfants. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان شيخ الإسلام الهروي وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعمة أسماء الله الحسنى وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن وذكر بعض أسماء الله الحسنى. Donc ici il a cité une parole d'Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa qui parle d'un autre savant et qui dit la plupart des gens de son pays s'appelaient avec Abd, avec les noms d'Allah, c'est-à-dire Abdullah, Abdurrahman, etc. Et il dit en ce qui concerne notre famille aussi, la plupart d'entre nous avaient ce genre de nom. Donc lui, il s'appelait Ahmed, mais il parle de sa famille. Donc il cite Abdessalam, comme vous avez entendu, et il a cité notamment Al-Muhsin. Donc là, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui compte Al-Muhsin parmi les noms d'Allah. Wa qala Ibn al-Qayyim, رحمه الله وإقرار قلوبنا بأن الله الذي لا إله إلا هو وأنه حكيم كريم محسن ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين. Et une parole d'un autre imam qui est Ibn Qayyim al-Jawziyya رحمه الله qui dit: et nos cœurs attestent qu'Allah, en dehors de qui il n'y a aucune divinité, est Hakim Karim Muhsin. Donc il a cité différents attributs d'Allah et il a cité Muhsin. Et il a dit, personne n'aime plus la bienfaisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Muhsin et il aime al-Muhsinin. Donc il est bienfaisant et il aime les bienfaisants. Wa ma'na ismi Allah al-Muhsin yarji'u ila al-fadli wal-in'ami wal-jawdi wal-ikram wal-manni wal-ata wal-ihsanu wasfun lazimun lahu subhanahu la yakhlu mawjudun an ihsanihi tarfata 'aynin bil-ijadi wal-in'ami wal-imdad. Qala ta'ala الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Donc il dit maintenant la signification du nom d'Allah Al-Muhsin revient à la grâce, la bienfaisance, la générosité, les bienfaits, la donation, etc. Et Al-Ihsan, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se détache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aucune chose qui existe parmi la création n'est vide d'une bienfaisance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'une ihsan par le fait qu'il l'a créé, qu'il a été bienfaisant envers cette chose. Comme il a cité dans le Coran, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Celui qui a perfectionné toute chose qu'il a créée. En disant ahsana. Donc il a bien fait toute chose qu'il a créée. Et dans un autre verset, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Il vous a formé et il a perfectionné votre forme avec le verbe ahsana. Wa a'zamu al-ihsan at-tawfiq li hadha ad-din wa sharh as-sadr li luzum ta'ati rabb al-alamin wa at-tathbit 'ala al-haqq wal-huda ila al-mamat ila an yatuja dhalika bi a'zam al-karamati wa ajall al-ihsan bi dukhul al-janan yawm al-qiyamah wa ru'yat al-karim ar-rahman al-muhsin al-mannan nas'aluhu subhanahu min fadlihi al-'azim wa ihsanihi al-jazil. Et le plus grand ihsan, la plus grande bienfaisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il guide une personne à la religion et qu'il lui ouvre sa poitrine afin qu'il soit continuellement obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit ferme sur la vérité et sur la guidée jusque cela finisse par le plus grand des honneurs et la plus grande des bienfaisances qui est l'entrée de cette personne au paradis et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه. Donc maintenant il va citer quelque chose qui est plus pratique par rapport à la connaissance des noms d'Allah et qui est très important. Il dit aussi Allah Azza wa Jal aime de la part des êtres humains qu'ils se rapprochent de lui par ce qu'implique la signification de ces noms. Donc et tout de suite il va expliquer ce que veut dire cette phrase. فهو الرحمن يحب الرحماء. Allah est miséricordieux et il aime les gens miséricordieux. وهو الكريم يحب الكرماء. Allah est généreux et il aime les gens généreux. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah est bienfaisant et il aime ceux qui font le bien. Qala ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc il a cité tous les versets où Allah nous en informe. Faites le bien car Allah aime ceux qui font le bien. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk. Sois bon comme Allah a été bon envers toi. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance n'est autre que la bienfaisance? Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a l'ihsan, et c'est un attribut, al-muhsin. Parmi ses attributs, il y a l'ihsan, et parmi ses actes, il y a l'ihsan. Et ça, c'est un attribut de perfection. Donc il aime que ses êtres humains et ses serviteurs cherchent à tendre vers cet attribut, qui est une qualité, qui est l'ihsan, le fait d'être bienfaisant envers autrui. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Donc on voit tous les mérites de l'ihsan dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de l'ihsan n'est autre que l'ihsan? Donc parmi celui qui pratique l'ihsan et qui a adopté ce caractère qui est l'ihsan, il peut espérer comme récompense l'ihsan dans l'au-delà de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset qui nous dit Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui sont pieux et avec ceux qui sont muhsinin. Donc celui qui pratiquera l'ihsan profitera de ce qu'on appelle ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah sera avec lui, le fait qu'Allah va l'assister, le fait qu'Allah va le guider, l'affirmer, etc. Wal-ihsanu من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها كما جاء ذلك في حديث جبريل المشهور عليه السلام وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء. Donc الإحسان, on passe à un autre point, c'est que الإحسان c'est le degré le plus haut. Ou plutôt, on va reprendre le point qu'il disait avant. Ça, c'est une faïda à retenir. C'est que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en est que l'être humain doit essayer d'adopter, dans le sens où il doit tendre vers ce genre de qualité. Par exemple, Allah s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim et il aime que l'être humain soit Rahim. Allah est Karim et il aime que l'être humain soit Karim. Allah est, comme il l'avait dit Kamel samedi, Hayyiyun, pudique, et il aime que son serviteur soit pudique. Allah est adl et il aime que son serviteur soit adl, c'est-à-dire qu'il soit équitable et qu'il soit juste. Allah est muhsin et il aime l'ihsan. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Et aussi, Allah est ghani. Allah est riche et il aime le riche. Dans le sens, ici, ghani, pas dans le sens riche où il a beaucoup de biens, mais dans le sens où il n'a pas besoin des autres. Comme c'est cité dans Sahih Muslim, Inna Allah yuhibbu al-'abd al-ghani, al-taqi al-khafi. Allah aime la personne riche, ghani, taqi, pieuse, et khafi, c'est-à-dire discrète. Mais ghani ici, ce n'est pas dans le sens où il a beaucoup de biens, puisque le fait qu'il ait beaucoup de biens, ça c'est Allah qui le décide. C'est dans le sens où il se passe des autres. Il demande peu de choses des autres et il ne dépend pas des autres. Donc il est ghani. Donc Allah est ghani et il aime que son serviteur tende à être ghani. Donc ça c'est vrai pour certains noms d'Allah, mais pas pour tous. Allah est mutakabbir et il n'aime pas al-mutakabbirin. Donc pour certains attributs d'Allah, c'est l'inverse. Allah est mutakabbir, qu'on pourrait traduire par orgueilleux, et il n'aime pas les orgueilleux. Puisque ça c'est un attribut qui est une qualité chez Allah, mais chez l'être humain c'est un défaut. Alors que Rahma, c'est une qualité chez Allah et chez l'être humain. Allah est Jabbar et il n'aime pas Al-Jabbar, Al-Jababira. Allah est Jabbar, il est dominateur et il n'aime pas ceux qui se comportent en Jababira, qui dominent les autres et qui sont orgueilleux. Et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas vrai pour tous les noms d'Allah. Et ensuite, il a dit, donc Al-Ihsan, venant de la personne, c'est le plus haut degré dans la religion, comme c'est cité dans le hadith de Jibril, donc que vous connaissez tous, dans lequel il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'Ihsan. Et il a répondu, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est-à-dire que rien de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu penses, et de toutes tes situations n'est caché à Allah Azzawajal. وهذا إحسان في عبادة الله وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم. Et ça, c'est l'ihsan dans l'adoration d'Allah. Donc on va voir que l'ihsan a deux explications, deux directions. Il y a l'ihsan entre toi et Allah. C'est cette explication-là. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu n'y arrives pas, tu adores Allah en te disant que lui te voit. Et ça, c'est le plus haut degré de la religion. وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَيْضًا الْإِحْسَانُ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ. Et la deuxième direction, la deuxième sorte de ihsan, c'est le ihsan envers autrui. Donc en français, en vérité, on ne pourra pas le traduire d'une même façon. Parce que l'ihsan entre toi et Allah, on ne va pas traduire ça par de la bienfaisance. Personne n'est bienfaisant envers Allah. Personne ne donne quoi que ce soit à Allah. Personne ne fait du bien à Allah. Allah, c'est lui le Rani. Et c'est nous qui sommes, qui avons besoin de lui. Donc on pourrait traduire ça, comme ils le font dans les livres, c'est une bonne traduction, l'excellence dans l'adoration d'Allah. Et quand on parle de l'ihsan envers les gens, là on peut traduire par la bienfaisance. Donc il a dit, كبر الوالدين, comme l'obéissance et la bienfaisance envers les parents, وصلة الأرحام, et le fait d'entretenir les liens de parenté, ووفاء بالحقوق, le fait de respecter les droits de toutes les créatures, non seulement des êtres humains, mais autres aussi, وَالْإِعَانَةِ لِذَوِي الْحَاجَاتِ, d'aider les personnes qui ont besoin, وَكَفِّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ, ne pas nuire aux gens, وَالْإِجْتِهَادِ فِي إِيصَالِ الْخَيْرِ لَهُمْ, et faire des efforts pour faire parvenir du bien aux gens, إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ لِعِبَادِ اللَّهِ, et autre chose qui rentre dans la bienfaisance envers les êtres humains. Donc l'ihsan dont Allah nous parle dans le Coran, comme quoi il aime al-muhsinin, c'est tout ça. C'est à la fois l'ihsan qui est expliqué dans le hadith de Jibril, et aussi l'ihsan dans le sens de faire le bien aux autres. وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِالثَّوَابِ الْعَظِيمِ قَالَ تَعَالَى هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ وَقَالَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Donc Allah a promis beaucoup de récompenses pour ça. Comme il est dit dans le verset, est-ce que la récompense de la bienfaisance n'est autre que la bienfaisance? Donc Allah a promis pour celui qui adopte ce caractère de se comporter avec lui de cette façon-là, pour le récompenser, avec l'ihsan. Et le verset aussi qui dit, pour ceux qui auront été bienfaisants, il y aura al-husna, la meilleure récompense, waziyada, et quelque chose en plus, qui est, comme c'est expliqué ailleurs, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset aussi qui dit, certes Allah ne fait pas perdre la récompense des muhsinin, des bienfaisants. وَمِنْ ثِمَارِ الْإِحْسَانِ الْعَظِيمَ فِي الدُّنْيَا إِنْشِرَاحُ صَدْرِ الْمُحْسِنِ وَطِيبُ نَفْسِهِ وَطُمَأْنِينَةُ قَلْبِهِ. Parmi les fruits maintenant, donc on a vu le degré, l'explication de l'ihsan, la place qu'elle a, la récompense qu'elle a, et maintenant les fruits qu'elle a dans la vie d'ici-bas. C'est le fait que la poitrine de l'être humain soit détendue et que son âme, on appelle ça tibun nafs, c'est-à-dire on pourrait traduire par la bonne humeur ou le fait de se sentir bien et que son cœur soit serein. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر. Donc là il va citer une parole d'Ibn al-Qayyim sur les causes pour avoir une poitrine ouverte et dégagée. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. Il dit parmi, donc là c'est Ibn al-Qayyim qui parle, rahimahullah, parmi les causes de la bonne humeur et d'avoir une poitrine détendue et un cœur serein, la bienfaisance envers les créatures et le fait de leur être utile par ce qui t'est possible dans tes biens, donc ton argent ou tes biens, et al-jah, c'est-à-dire par la place que tu as dans la société. Ce qui est voulu par là, c'est comme les intercessions, ou aider quelqu'un par la place que tu as auprès des autres, etc. Et aussi le fait de leur être utile par ton corps, donc par ta force, et toutes les catégories de bienfaisance. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صبرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. Donc celui qui est bienfaisant et qui est généreux, c'est celui qui a la poitrine la plus détendue. Et c'est celui qui a l'âme la meilleure, c'est-à-dire il se sent le mieux. Et c'est celui qui a le cœur le plus doux. والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا Alors que, au contraire, l'avare, celui qui fait pas de bien aux autres et qui n'aime pas dépenser pour les autres, celui-là, c'est celui qui a la poitrine la plus serrée et qui a la vie la plus triste et qui a le plus de soucis. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه Toujours Ibn al-Qayyim dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans As-Sahih, donc dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, a donné en exemple celui qui fait des aumônes, donc al-Muhsin, et celui qui est avare. Et il a dit c'est comme deux hommes qui ont chacun une armure sur leur corps. Donc à chaque fois que celui qui donne des aumônes pense, à faire une aumône, cette armure qui le retient, elle s'ouvre. Jusqu'à ce qu'il en ait plus et qu'il puisse s'en dégager. Et au contraire, à chaque fois que l'avare pense à faire une sadaqa, chaque kullu halaqa, c'est-à-dire chaque cercle qui forme cette armure, il se serre et il reste à sa place. Donc ça, c'est l'exemple du karim, du muhsin, donc de la personne bien, du bienfaiteur et du généreux, dont le cœur est large. Et l'exemple de l'avare, quand il pense à être généreux, il devient triste et il a mal de faire du bien aux autres. وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين يناله المحسنون قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Et quant à la récompense dans l'au-delà, alors c'est que tout ce que leur âme désireront et tout ce qui fait plaisir à leurs yeux, elles muhsinoun, pourront l'avoir. Comme il est dit dans le verset, ils auront ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur, voilà la récompense des muhsinin. Voilà la récompense des muhsinin. Quelle est-elle? Ce qu'ils veulent. Donc tout ce que leur âme désire et tout ce dont ils ont envie, ça c'est la récompense des muhsinin. Donc c'est la plus grande des récompenses. Comme leur œuvre et leur degré, c'est le plus grand des degrés. Donc on répète que l'ihsan, c'est dans deux sens, hein. On le répète parce que c'est fini pour le nom d'Allah al-Muhsin. Envers toi et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ihsan, c'est quoi? C'est non seulement de faire ce qui est obligatoire, mais aussi d'en rajouter. Et de chercher donc la perfection. Donc l'ihsan, c'est le degré de al-muqarrabin. Comme c'est cité dans Surat al-Waqi'a, as-sabiqoun, was-sabiqoun, as-sabiqoun, ulaika al-muqarrabun. Donc il y a les gens de la droite, les gens de la gauche et al-muqarrabun, ceux qui ont les degrés les plus hauts, proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun, ceux qui précèdent les autres, eux aussi ce sont al-muhsinun. Quelles sont leurs caractéristiques dans leurs œuvres en ce qui est entre eux et Allah? C'est qu'ils, non seulement ils pratiquent ce qui est obligatoire, mais ils rajoutent des œuvres surérogatoires. Et non seulement ils s'écartent de ce qui est haram, mais ils s'écartent aussi de ce qui est déconseillé et aussi de ce qui est douteux. Et encore plus de ce dont ils n'ont pas besoin parmi ce qui est clairement halal. Donc ça c'est l'ihsan. Et plus la personne progresse dans ça, eh bien plus elle atteint l'ihsan. Et aussi dans la bienfaisance. Donc plus la personne est utile à autrui, plus elle aide les autres, plus elle a de la générosité, plus elle donne d'aumône, et plus elle donne de sa personne, plus elle fait partie de, et plus elle atteint le degré de l'ihsan. On va passer à quatre noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Awwal, wal-Akhir, wal-Zahiru, wal-Batin. Donc c'est quatre noms, mais l'explication elle est courte. Donc Al-Awwal, ça veut dire le premier. Al-Akhir, ça veut dire le dernier. Par contre, Al-Zahiru, wal-Batin, si on traduit littéralement, Al-Zahir, par exemple, si je dis Zahiru Kaffi, c'est l'extérieur de ma main. Et Batinul Kaff, c'est l'intérieur de ma main. Donc c'est comme l'apparent et le caché. Ça fait partie des noms d'Allah et on va voir leur explication directement à partir des preuves de la religion. وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Donc ces quatre noms ont été cités dans un seul endroit du Coran, donc au début, dans le deuxième verset de Sourate Al-Hadid, quand Allah dit هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Il a cité ces quatre noms à la suite. وخير ما تفسر أو تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. Et la meilleure explication qui a été faite de ces noms, elle provient d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Allah Azza wa Jal par ces noms-là. Et en même temps, il a expliqué et il a montré qu'est-ce qu'il voulait dire ces noms. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول أو مضجعنا pardon. Donc Abu Huraira dans Sahih Muslim dit le prophète صلى الله عليه وسلم nous ordonnait quand nous allions nous coucher de dire cette chose-là. أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. Donc, oh Allah, Allahumma. Donc, quand on dit Allahumma, c'est comme si on disait Yallah. Mais les Arabes disent plus Allahumma que Ya Allah. Donc, le mime qui est à la fin de Allah, dans Allahumma, c'est dans le sens de l'appel. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire Ya Allahumma. C'est comme si tu disais deux fois Ya. Soit tu dis Yallah, Ya Allah, ou soit tu dis Allahumma. Et le plus dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allahumma. Donc Allahumma, donc ô mon Dieu, Rabb as-samawati wa Rabb al-ard wa Rabb al-arshil azim. Toi qui es le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur du trône immense. Rabbana wa Rabb kulli shay. Notre Seigneur, donc ici je traduis par Seigneur, ça veut dire le créateur, le souverain et le souverain de toutes choses. Faliq al-habbi wan nawa. Toi qui fends la graine. Wa munzil at-tawrat wal injil wal furqan. Toi qui as fait descendre la Torah, l'Évangile et Al-Furqan, qui est un des noms du Coran. A'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Je te demande protection contre toute chose que tu tiens par un nasiya. Un nasiya qui est le devant de la tête. Allahumma anta awwalu fa laysa qablaka shay'. Oh Allah, tu es Al-Awwal, le premier, il n'y a rien avant toi. Wa anta Al-Akhiru fa laysa ba'daka shay'. Tu es le dernier, Al-Akhir, il n'y a rien après toi. Wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay. Tu es adh-dhahir, il n'y a rien au-dessus de toi. Wa anta al-batin fa laysa dunaka shay. Tu es al-batin, il n'y a rien en dessous de toi. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Iqdi 'anna ad-dayn, c'est-à-dire notre dette, paye pour nous notre dette wa aghnina min al-faqr. Et enrichis-nous contre la pauvreté. Donc ici, le hadith, il donne directement l'explication de ces quatre noms. فَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذَا الدُّعَاءِ الجَامِعِ مَعْنَى كُلِّ اسْمٍ وَنَفَى مَا يُنَاقِدُهُ وَهَذَا أَعْلَى دَرَجَاتِ الْبَيَانِ. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour chacun de ces noms, il a expliqué ce qu'il veut dire, et il a نَفَى مَا يُنَاقِدُهُ, c'est-à-dire il a annulé ou renié tout ce qui lui est contraire. Et ça, c'est la meilleure démonstration que tu peux faire. C'est la meilleure démonstration que tu peux faire. Quand tu veux expliquer quelque chose, c'est que tu expliques ce que c'est, et tu dis, et ce n'est pas, et tu parles de son contraire. C'est la meilleure façon de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. وَمَدَارُ هَذِي الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى بَيَانِ إِحَاطَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِخَلْقِهِ وَهِيَ إِحَاطَتَانِ زَمَانِيَّةِ وَمَكَانِيَّةِ. Donc en fait, ces quatre noms tournent autour de Al-Ihata. Al-Ihata, ça veut dire entourer quelque chose. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entoure et cerne toute sa création. Al-Ihata, elle est de deux sortes. Zamaniya, dans le temps. Donc Allah cerne toute chose dans le temps. Wa makaniya, et dans le lieu, dans l'endroit. Allah cerne toute chose dans son endroit. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد. Donc sa awaliya, c'est-à-dire le fait qu'Allah est le premier et le fait qu'Allah est le dernier, c'est-à-dire qu'il est avant et après toute chose. Donc toute chose qui précède s'arrête à al-awwaliyah, le fait qu'Allah c'est lui le premier. Donc rien ne précède Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est dernier ne dépasse pas le fait qu'Allah c'est lui le dernier. فأوليته الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء. Donc Allah précède toute chose et aussi Allah reste après toute chose. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. Donc Allah a précédé tout ce qui est avant parmi ses créatures. Il est avant. Et il est après tout ce qui est après parmi ses créatures. Donc c'est un peu difficile à traduire. En arabe c'est comme ça, mais c'est vrai qu'en français c'est pas. Fama min awwalin illa wallahu qablahu. Il n'y a rien qui est premier et que les êtres humains nomment premier dans sa création sans qu'Allah soit avant. Wama min akhiri illa wallahu ba'dahu. Et rien n'est dernier sans qu'Allah soit après lui. Fahuwa jalla wa ala al-awwalu falaysa shay'un qablahu wal-akhiru falaysa shay'un ba'dahu wa hadhihi ihatatun zamaniyah. Donc Allah est avant toute chose et après toute chose, et ça c'est la façon dont il cerne sa création dans le temps. Donc si on cherche à expliquer un petit peu, parce qu'à d'autres endroits, Ibn al-Qayyim l'a plus détaillé, l'awwal, c'est-à-dire que toute chose, même si parmi, par exemple, la première création, le premier être humain dans une famille, ou quoi que ce soit qui puisse être le premier, Allah le précède. Puisque c'est lui qui a destiné toute chose. Et c'est lui qui est le créateur de toute chose. Donc il a précédé toute chose. Et toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala, est après elle. Puisque les choses ne subsistent que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait subsister. Et kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul-jalali wal-ikram. Tout ce qui est à la surface de la terre est amené à disparaître. Et il restera à la face de ton Seigneur. Donc certes, même si les choses sont éternelles, Allah est le dernier. Dans le sens où c'est lui qui fait subsister toutes ces choses. Et c'est à lui que revient l'aspect éternel et l'existence de toutes ces choses. وَأَمَّا الْإِحَاطَةُ الْمَكَانِيَّةِ فَقَدْ أَحَاطَتْ ظَاهِرِيَّتُهُ وَبَاطِنِيَّتُهُ بِكُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ. Maintenant c'est la façon dont Allah cerne les choses dans l'endroit, al-ihata al-makaniya. Donc Allah est zahir au-dessus de tout zahir, et il est batin en dessous de tout batin. On va voir un peu ce que ça veut dire. Fama min zahirin illa wallahu fawqahu. Nulle chose est suprême à une autre, ou au-dessus d'une autre, sans qu'Allah soit au-dessus. Wama min batinin illa wallahu dunahu. Et rien n'est caché, rien n'est subtil ou en dessous des choses, sans qu'Allah ne soit encore plus proche et plus en dessous. كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Comme le prophète l'a dit lui-même صلى الله عليه وسلم, tu es al-zahir, rien n'est au-dessus de toi, et tu es al-batin, ليس دونك شيء. دونك, c'est-à-dire rien n'est plus proche que toi, rien n'est en dessous de toi. فعلى على كل شيء بظهوره فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه. استوى على عرشه المجيد والعرش سقف المخلوقات وأعلاها والله فوق العرش. Donc Allah est au-dessus de toute chose par al-dhuhur. Donc al-dhuhur c'est un attribut. Le fait qu'Allah est au-dessus est suprême au-dessus de toute chose. Et il est al-ali, al-a'la. Le haut est le plus haut. Ça fait partie des noms d'Allah. Puisqu'il est établi sur son trône, al-arsh, or son trône c'est le toit de tout ce qui peut exister. Et Allah est au-dessus de ça. ودنا من كل شيء ببطونه فبطونه سبحانه وإحاطته بكل شيء. Et Allah en même temps est proche de chaque chose et il cerne chaque chose. بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. Puisqu'il est plus proche de chaque chose que la chose ne l'est envers elle-même. Donc il est plus proche de toi que toi tu n'es proche de toi-même. فهو يدل على كمال اطلاعه على السرائر والخفايا. Donc Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose et connaît toute chose parmi les choses cachées et les choses qui sont subtiles. Les choses qui sont cachées et les choses qui sont discrètes. Et ça montre aussi la proximité complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَعَ عُلُوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ مُحِيطٌ بِهِمْ. Donc tout en étant élevé sur son trône, donc là on parle de عُلُوِّ الذَّاتِ, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, concrètement, sans métaphore, est élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il est proche de sa création, puisqu'il les cerne par sa science. Et il cerne toute chose, la plus subtile soit-elle, par sa science. Donc il est à la fois vahir et à la fois il est batin, puisqu'il est proche de chaque chose par sa connaissance, par sa science, par son regard, par son ouïe. Donc c'est pour ça qu'il est al-vahir et il est al-batin. Quelle que puisse être la suprématie ou la hauteur d'une chose, Allah est élevé au-dessus de cette chose, puisqu'il est sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Et quoi que tu puisses être proche de quelqu'un, Allah est plus proche de toi que lui, par sa connaissance et par le fait qu'il le cerne, par son regard et par son œil. فَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا. Donc un ciel ne cache pas à Allah un autre ciel qui est en dessous. Une terre ne cache pas à Allah la terre qui est en dessous d'elle, puisqu'on sait que les terres sont les unes au-dessus des autres. وَلَا يَحْجُبُ عَنْهُ ظَاهِرٌ بَاطِنًا. Une chose qui est élevée ne cache pas pour Allah une chose qui est en dessous et qui est cachée. بَلِ الْبَاطِنُ لَهُ ظَاهِرٌ. Ce qui est caché pour Allah, c'est ظَاهِر, c'est quelque chose d'apparent. وَالْغَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادًا. Les choses invisibles pour Allah, c'est shahada, c'est quelque chose qu'il voit complètement. وَالْبَعِيدُ مِنْهُ قَرِيبٌ. Ce qui est loin, pour lui, c'est proche. Et le secret auprès de lui, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose de révélé. Donc rien n'est caché pour Allah, rien n'est loin pour Allah, et rien n'est subtil, et rien n'est bas pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا عَرَفَ الْمُسْلِمُ هَذِي الْأَسْمَاءَ الْعَظِيمَةَ وَعَرَفَ مَا تَدُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مِنَ الْكَمَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْإِحَاطَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَامِلَ كُلَّ اسْمٍ بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ ذُلٍ. Quand le musulman sait ça et connaît ces quatre noms qui sont des noms immenses parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il comprend comment ces noms montrent la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur et dans la façon dont, dans sa science et dans la façon dont il cerne toute chose, alors il lui revient au musulman de traiter chacun de ces noms comme il se doit, par l'adoration et par l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui convient à chacun de ses noms. Donc les noms d'Allah, bien sûr, entraînent une adoration de l'être humain. C'est pour ça que plus la personne connaît Allah, plus il l'adore comme il se doit. Et ces quatre noms entraînent plein de choses dans l'adoration de l'être humain. فَمَعْرِفَةُ أَوَّلِيَّةِ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ وَسَبْقِهِ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ الْأَسْبَابَ كُلَّهَا. Donc par exemple, le fait de savoir qu'Allah est le premier et que c'est lui qui a précédé toutes choses par sa bienfaisance, et c'est lui qui a précédé toutes les causes qui existent, puisque le monde est fait de causes et d'effets, et Allah est avant toute cause et c'est lui qui a destiné toutes les causes et tous les effets. Ça implique que la personne ne s'humilie que devant Allah subhanahu wa ta'ala et ne se tourne que vers Allah subhanahu wa ta'ala. وعدم الالتفات الى غيره او التوكل على سواه. Et de ne pas donc regarder autre qu'Allah, dans le sens ne pas se tourner et faire confiance et se reposer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui précède toute chose. وتقتضي التجرد من التعلق بالاسباب والالتفات اليها الى التعلق بمن منه الامداد ومنه الاعداد. Et ça implique aussi que tu te dégages du fait de t'accrocher à l'asbab, aux causes, les causes qu'on pratique pour avoir des choses ou pour être protégé des choses. Tu te dénudes, c'est-à-dire tu te détaches, tu ne t'attaches pas à ces choses-là, mais tu t'attaches à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est de lui que vient la bienfaisance et c'est de lui que viennent réellement les choses. وفضله سابق على الوسائل والأسباب. Et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est avant les moyens et les causes. Donc ça ne veut pas dire de ne pas faire les causes. Ça veut dire que tout en faisant ta cause, tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a destiné cette cause et c'est lui qui lui donne de l'effet. D'ailleurs, pour la parenthèse, pour corriger certaines mauvaises compréhensions, la cause en islam, non seulement elle existe, mais elle a un effet en elle-même. Ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah wa Jama'a, entre deux extrêmes. Al-Qadariya, qui ne croit pas au destin, et eux, ils disent que tout se fait par la cause, sans qu'Allah n'ait rien à voir dedans. Et Al-Jabriya, qui disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout, et la cause n'a aucun effet dans ce que tu vas faire. Donc pour eux, donc j'explique les deux avis avec un exemple. Pour le Qadariya, quand je prends un briquet et je me brûle le doigt, c'est le feu qui me brûle, qu'Allah le veuille ou non. Et pour Jabriya, quand j'allume un briquet sur mon doigt, c'est Allah qui me brûle. Et le feu, ce n'est qu'un sabab pour qu'à ce moment-là, Allah me brûle. Et le feu, il ne brûle pas. Et la croyance de Ahlus Sunnah wa Jama'a, c'est entre les deux. C'est-à-dire que les causes ont bel et bien un effet, mais que cet effet n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand je mets un briquet sur mon doigt, il me brûle bel et bien, et c'est bel et bien le feu qui me brûle. Mais qui a destiné ça? Et a permis au feu de brûler et lui a donné cet attribut, c'est Allah Jalla wa Ala. Sinon, il n'y aurait pas de sens au verset lorsque Ibrahim a été jeté dans le feu. Qu'est-ce qu'Allah a dit au feu? Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Soit du froid et de la sérénité pour Ibrahim. Si le feu, déjà à la base, il ne brûlait pas lui-même, Allah n'aurait pas dit au feu, ne lui brûle pas. Tout simplement, lui-même, il n'aurait pas brûlé Ibrahim. Ça prouve que le feu brûle bel et bien. Et c'est Allah qui lui a donné cet attribut. Et il ne brûle que par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pareil pour toutes les causes que tu fais dans la vie. وَمَعْرِفَةُ آخِرِيَّةِ اللَّهِ تَقْتَضِي أَنْ يُجْعَلَ وَحْدَهُ غَايَةَ الْعَبْدِ الَّتِي لَا غَايَةَ لَهُ غَيْرَهُ. Et le fait que tu saches qu'Allah est le dernier, ça implique que tu fasses d'Allah ton but suprême, en dehors de qui tu n'as pas de but. وَلَا مَطْلُوبَ لَهُ وَرَاءَهُ. Et tu ne cherches rien derrière, au-delà de lui. إليه وحده المنتهى وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. Donc c'est à lui que finissent toutes choses et c'est vers lui que se dirigent donc toutes tes intentions et tous tes espoirs et il n'y a pas d'autre chose après ça. وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية. Et aussi ça implique que tu ne te reposes pas sur asbab, sur les causes que tu fais. Parce que ces causes-là sont amenées à disparaître. Et il restera après ces causes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est éternel. Donc s'accrocher aux asbab, aux causes, c'est s'accrocher à une chose qui va disparaître. Alors que s'accrocher à celui qui s'appelle Al-Akhir, c'est s'accrocher à celui qui vit et qui ne meurt pas, et qui restera et qui ne disparaîtra pas. وَمَعْرِفَةُ ظَاهِرِيَّتِهِ وَأَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ وَتَصْعُدُ إِلَيْهِ أَعْمَالُهُمْ تَقْتَضِي حُسْنَ تَوَجُّهِ الْقَلْبِ إِلَيْهِ وَتَمَامَ الذُّلِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْخُضُوعَ لِجَنَابِهِ وَعَظَمَتِهِ وَالضَّرَاعَةِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ. Et le fait de connaître qu'Allah est al-Zahir, donc qu'il a la suprématie et qu'il est au-dessus de toute chose, et que d'au-dessus du trône, il gère toute sa création, et que les actes des êtres humains montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est au-dessus de ses créatures, ça implique que le cœur se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi ça implique l'humilité et la crainte devant Allah, al-Khudu' wa al-Dhul. Devant celui qui est au-dessus des sept cieux, subhanahu wa ta'ala. Et d'être humble devant la grandeur d'Allah et la suprématie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Comme il est dit dans le verset, il en est ainsi, car Allah, c'est lui la vérité, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le faux, et parce qu'Allah est al-'Aliyyul Kabir, l'élevé et le grand. وأما من لا يؤمن بظاهريات الله وعلوه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. Quant à celui qui ne croit pas qu'Allah est al-Zahir et qu'il est au-dessus du trône, son cœur est perdu et il est dispersé parce que son cœur n'a pas de qibla vers laquelle il se tourne. Et il n'a pas d'adoré vers le cœur vers lequel il se tourne. ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفايات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقى. Et le fait de connaître qu'Allah c'est lui al-Batin, et que donc il connaît toute chose qui est cachée, toute chose qui est subtile, et qu'il est proche de toi, qu'il connaît les choses apparentes, les choses cachées, ça implique que tu corriges ton âme et que tu cherches à la purifier et que tu cherches à purifier ton intérieur et que tu cherches à purifier ton cœur et à le remplir de foi et de piété, puisque tu sais qu'Allah est plus proche de ton cœur que tu ne l'es toi-même. ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. Donc dans ces quatre noms englobent tout entier la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna fiha qam'an lil wasawisi al-muhlika. Et de même que ces quatre noms repoussent al-wasawis, c'est-à-dire les suggestions et les doutes dont peut souffrir une personne. Wa shukuk al-murdiya allati yulqiha ash-shaytan fi qalbi al-insan bughyatan ihlakuhu wa sarfahu 'an al-iman. Et aussi, ça rejette, les doutes que le diable met dans la poitrine de l'homme pour chercher sa perte et pour le détourner de la foi. Donc là, il va nous dire pourquoi il dit ça. Quel rapport entre ces quatre noms et le waswas, ou plutôt al-waswas. Rawa Abu Daoud fi sunanihi bi isnad jayyid an Abi Zumayl Simak ibn al-Walid qala sa'altu ibn Abbas fa qultu ma shay'un ajiduhu fi sadri. Donc Abu Daoud a rapporté de Simak ibn al-Walid, il a dit, rahimahullah, j'ai dit à Abdullah ibn Abbas, qu'en est-il d'une chose que je trouve dans ma poitrine? Qala ma hu, qultu wallahi ma atakallamu bihi. Ibn Abbas lui a dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, wallah, je ne le dirai pas. Donc de quoi il veut parler? Des doutes, des shubuhat, des mauvaises idées qu'une personne peut avoir et qui touchent à sa foi. Fa qala li, a shay'un min ash-shak, qala wa dhahika. Il a dit à Ibn Abbas, Ibn Abbas a dit à Simak, est-ce que tu parles du doute? Donc Simak, il n'a rien dit. Donc Ibn Abbas, il a ri et il a dit, personne n'est épargné de ça. Qala hatta anzala Allah azza wa jal, fa in kunta fi shakk mimma anzala ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik. Et il a dit, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, si tu es en doute à propos, et là il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as un doute à propos de ce que nous t'avons descendu, alors demande à ceux qui lisent le livre auparavant. Qala fa qala li fa idha wajadta fi nafsika shay'an fa qul huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Et Ibn Abbas après lui a dit, si tu trouves ce genre de choses au fond de toi, alors dis, donc le verset de sourate al-Hadid, huwa al-awwal wal-akhir والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Donc tu récites ces quatre noms, ou plutôt ces cinq noms, qui sont dans le verset de sourate al-Hadid. فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوسواس وقطع الشكوك. Donc Ibn Abbas a orienté cet homme à répéter ces quatre noms pour repousser الشك, pour repousser donc le doute et les suggestions de Shaytan. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.